Livre 7e, chapitre 1er. Du danger de confier son secret à une chèvre. Plusieurs semaines s'étaient écoulées. On était au premier jour de mars. Le soleil que Dubarta, ce classique ancêtre de la périphrase, n'avait pas encore nommé le grand-duc des chandelles, n'en était pas moins joyeux et rayonnant pour cela. C'était une de ces journées de printemps qui ont tant de douceur et de beauté que tout Paris répandu dans les places et les promenades, les fêtes comme des dimanches. Dans ces jours de clarté, de chaleur et de sérénité, il y a une certaine heure surtout où il faut admirer le portail de Notre-Dame. C'est le moment où le soleil, déjà incliné vers le couchant, regarde presque en face la cathédrale. Ses rayons de plus en plus horizontaux se retirent lentement du pavé de la place et remontent le long de la façade à pic dont ils font saillir les 1000 ronds de bosses sur leur ombre, tandis que la grande rose centrale flamboie comme un œil de cyclope, enflammé des réverbérations de la forge. On était à cette heure-là. Vis-à-vis la haute cathédrale rougie par le couchant, sur le balcon de pierre pratiqué au-dessus du porche, d'une riche maison gothique qui faisait l'angle de la place et de la rue du Parvis, quelques belles jeunes filles riaient et devisaient avec toutes sortes de grâce et de folie. À la longueur du voile qui tombait du sommet de leurs coiffes pointues, enroulées de perles, jusqu'à leurs talons, à la finesse de la chemisette brodée qui couvrait leurs épaules, en laissant voir selon la mode engageante d'alors la naissance de leurs belles gorges de vierge, à l'opulence de leurs jupes de dessous, plus précieuse encore que leur surtout, recherche merveilleuse, à la gaze, à la soie, au velours dont tout cela était étoffé, et surtout à la blancheur de leurs mains, qui les attestaient oisives et paresseuses, il était aisé de deviner de nobles et riches héritières. C'étaient en effet demoiselles Fleur de Lys de Gondelaurier et ses compagnes, Diane de Christeuil, Amelotte de Montmichel, Colombe de Gaillefontaine et la petite de Champchevry. Toutes filles de bonne maison, réunies en ce moment chez la dame veuve de Gondelaurier, à cause de Monseigneur de Beaujeu et de Madame sa femme, qui devait venir au mois d'avril à Paris et y choisir des accompagneresses d'honneur pour Madame la Dauphine Marguerite, lorsqu'on l'irait recevoir en Picardie des mains des Flamands. Or, tous les hobereaux de 30 lieues à la ronde briguaient cette faveur pour leurs filles, et bon nombre d'entre eux les avaient déjà amenées ou envoyées à Paris. Celles-ci avaient été confiées par leurs parents à la garde discrète et vénérable de Madame Aloïse de Gondelaurier, veuve d'un ancien maître des arbalétriers du roi, retirée avec sa fille unique, en sa maison de la place du Parvis Notre-Dame à Paris. Le balcon où étaient ces jeunes filles s'ouvrait sur une chambre richement tapissée d'un cuir de Flandre de couleur fauve imprimé à rinceaux d'or. Les solives qui rayaient parallèlement le plafond amusaient l'œil par 1000 bizarres sculptures peintes et dorées. Sur des bahuts ciselés, de splendides émaux chatoyaient çà et là. Une hure de sangliers en faïence couronnait un dressoir magnifique dont les 2 degrés annonçaient que la maîtresse du logis était femme ou veuve d'un chevalier banneret. Au fond, à côté d'une haute cheminée armoriée et blasonnée du haut en bas, était assise dans un riche fauteuil de velours rouge la dame de Gondelaurier, dont les 55 ans n'étaient pas moins écrits sur son vêtement que sur son visage. À côté d'elle se tenait debout un jeune homme d'assez fière mine, quoiqu'un peu vaine et bravache, un de ces beaux garçons dont toutes les femmes tombent d'accord, bien que les hommes graves et physionomistes en haussent les épaules. Ce jeune cavalier portait le brillant habit de capitaine des archers de l'ordonnance du roi, lequel ressemble beaucoup trop au costume de Jupiter, qu'on a déjà pu admirer au premier livre de cette histoire, pour que nous en fatiguions le lecteur d'une seconde description. Les damoiselles étaient assises, parties dans la chambre, parties sur le balcon, les unes sur des carreaux de velours d'Utrecht à cornières d'or, les autres sur des escabeaux de bois de chêne sculpté à fleurs et à figures. Chacune d'elles tenait sur ses genoux un pan d'une grande tapisserie à l'aiguille à laquelle elles travaillaient en commun et dont un bon bout traînait sur la natte qui recouvrait le plancher. Elles causaient entre elles avec cette voix chuchotante et ces demi-rires étouffés d'un conciliabule de jeunes filles au milieu desquelles il y a un jeune homme. Le jeune homme dont la présence suffisait pour mettre en jeu tous ses amours-propres féminins paraissait, lui, s'en soucier médiocrement, et tandis que c'était parmi les belles à qui attirerait son attention, il paraissait surtout occupé à fourbir avec son gant de peau de daim l'ardillon de son ceinturon. De temps en temps, la vieille dame lui adressait la parole tout bas, et lui répondait de son mieux avec une sorte de politesse gauche et contrainte. Au sourire, au petit signe d'intelligence de Madame Aloïse, au clin d'yeux qu'elle détachait vers sa fille Fleur de Lys, en parlant bas au capitaine, il était facile de voir qu'il s'agissait de quelques fiançailles consommées, de quelques mariages prochains sans doute, entre le jeune homme et Fleur de Lys. Et à la froideur embarrassée de l'officier, il était facile de voir que de son côté, du moins, il ne s'agissait plus d'amour. Toute sa mine exprimait une pensée de gêne et d'ennui que nos sous-lieutenants de garnison traduiraient admirablement aujourd'hui par « Quelle chienne de corvée !» La bonne dame, fort entêtée de sa fille, comme une pauvre mère qu'elle était, ne s'apercevait pas du peu d'enthousiasme de l'officier et s'évertuait à lui faire remarquer tout bas les perfections infinies avec lesquelles Fleur de Lys piquait son aiguille ou dévidait son écheveau. « Tenez, petit cousin, lui disait-elle en le tirant par la manche pour lui parler à l'oreille. Regardez-la donc, la voilà qui se baisse. » « En effet, répondait le jeune homme, et il retombait dans son silence distrait et glacial. Un moment après, il fallait se pencher de nouveau, et Dame Aloïse lui disait « Avez-vous jamais vu figure plus avenante et plus égayée que votre accordée, et ton plus blanche et plus blonde? Ne sont-ce pas là des mains accomplies? Et ce coup-là ne prend-il pas à ravir toutes les façons d'un signe? Que je vous envie par moments, et que vous êtes heureux d'être homme vilain libertin que vous êtes. N'est-ce pas que ma Fleur de Lys est belle par adoration, et que vous en êtes éperdu ? Sans doute, répondait-il tout en pensant à autre chose. Mais parlez-lui donc, dit tout à coup Madame Aloïse, en le poussant par l'épaule. Dites-lui donc quelque chose. Vous êtes devenu bien timide. Nous pouvons affirmer à nos lecteurs que la timidité n'était ni la vertu ni le défaut du capitaine. Il essaya pourtant de faire ce qu'on lui demandait. « Belle cousine, dit-il en s'approchant de Fleur de Lys, quel est le sujet de cet ouvrage de tapisserie que vous façonnez ?»« Beau cousin, répondit Fleur de Lys avec un accent de dépit, je vous l'ai déjà dit trois fois, c'est la grotte de Neptunus. » Il était évident que Fleur de Lys voyait beaucoup plus clair que sa mère aux manières froides et distraites du capitaine. Il sentit la nécessité de faire quelques conversations. « Et pour qui toute cette neptunerie ? » demanda-t-il. « Pour l'abbaye Saint-Antoine des Champs, » dit Fleur de Lys sans lever les yeux. Le capitaine prit un coin de la tapisserie. « Qu'est-ce que c'est, ma belle cousine, que ce gros gendarme qui souffle à pleine joue dans une trompette ?»« C'est Tritot, » répondit-elle. Il y avait toujours une intonation un peu boudeuse dans les brèves paroles de Fleur de Lys. Le jeune homme comprit qu'il était indispensable de lui dire quelque chose à l'oreille, une fadaise, une galanterie, n'importe quoi. Il se pencha donc, mais il ne put rien trouver dans son imagination de plus tendre et de plus intime que ceci. « Pourquoi votre mère porte-t-elle toujours une cotte hardie, armoriée comme nos grands-mères du temps de Charles VII ? Dites-lui donc, belle cousine, que ce n'est plus l'élégance d'à présent, et que son gond et son laurier brodés en blason sur sa robe lui donne l'air d'un manteau de cheminée qui marche. En vérité, on ne s'assied plus ainsi sur sa bannière, je vous jure. » Fleur de Lys leva sur lui ses beaux yeux pleins de reproches. « Est-ce là tout ce que vous me jurez ? » dit-elle à voix basse. Cependant, la bonne dame Aloïse, ravie de les voir ainsi penchés et chuchotant, disait en jouant avec les fermoirs de son livre d'heures « Touchant tableau d'amour !» Le capitaine, de plus en plus gêné, se rabattit sur la tapisserie. « C'est vraiment un charmant travail !» s'écria-t-il. À ce propos, Colombe de Gaillefontaine, une autre belle blonde à peau blanche, bien décolletée de damas bleus, hasarda timidement une parole qu'elle adressa à Fleur de Lys, dans l'espoir que le beau capitaine y répondrait. « Ma chère gondolourier, avez-vous vu les tapisseries de l'hôtel de la Roche-Guyon ? N'est-ce pas l'hôtel où est enclos le jardin de la lingère du Louvre ? » demanda en riant Diane de Christeuil, qui avait de belles dents et par conséquent riait à tout propos. « Et où il y a cette grosse vieille tour de l'ancienne muraille de Paris ?» ajouta Amelotte de Montmichel, jolie brune bouclée et fraîche, qui avait l'habitude de soupirer comme l'autre riait, sans savoir pourquoi. « Ma chère Colombe, reprit dame Aloïse, voulez-vous pas parler de l'hôtel qui était à Monsieur de Bacqueville sous le roi Charles VI ? Il y a en effet de bien superbes tapisseries de haute lisse. » « Charles VI, le roi Charles VI !» grommela le jeune capitaine en retroussant sa moustache. « Mon Dieu, que la bonne dame a souvenir de vieilles choses !» Madame de Gondelaurier poursuivait. « Belle tapisserie en vérité, un travail si estimé qu'il passe pour singulier !» En ce moment, Bérengère de Champchevrier, svelte petite fille de 7 ans, qui regardait dans la place par les trèfles du balcon, s'écria « Oh, voyez, belle marraine Fleur de Lys, la jolie danseuse qui danse là sur le pavé et qui tambourine au milieu des bourgeois manants !» En effet, on entendait le frissonnement sonore d'un tambour de basque. « Quelque égyptienne de bohème !» dit Fleur de Lys en se détournant nonchalamment vers la place. « Voyons, voyons !» crièrent ses vives compagnes. Et elles coururent tout au bord du balcon, tandis que Fleur de Lys, rêveuse de la froideur de son fiancé, les suivait lentement, et que celui-ci, soulagé par cet incident qui coupait court à une conversation embarrassée, s'en revenait au fond de l'appartement, de l'air satisfait d'un soldat relevé de service. C'était pourtant un charmant et gentil service que celui de la belle Fleur de Lys, et il lui avait paru tel autrefois. Mais le capitaine s'était blasé peu à peu. La perspective d'un mariage prochain le refroidissait davantage de jour en jour. D'ailleurs, il était d'humeur inconstante et, faut-il le dire, de goût un peu vulgaire. Quoique de fort noble naissance, il avait contracté sous le harnois plus d'une habitude de soudard. La taverne lui plaisait, et ce qui s'ensuit. Il n'était à l'aise que parmi les gros mots, les galanteries militaires, les faciles beautés et les faciles succès. Il avait pourtant reçu de sa famille quelque éducation et quelques manières, mais il avait trop jeune couru le pays, trop jeune tenu garnison, et tous les jours le vernis du gentilhomme s'effaçait au dur frottement de son baudrier de gendarme. Tout en la visitant encore de temps en temps par un reste de respect humain, il se sentait doublement gêné chez Fleur de Lys, d'abord parce qu'à force de disperser son amour dans toutes sortes de lieux, il en avait fort peu réservé pour elle, ensuite parce qu'au milieu de tant de belles dames roides, épinglées et décentes, il tremblait sans cesse que sa bouche, habituée aux jurons, ne prît tout d'un coup le mort aux dents et ne s'échappa en propos de taverne. Qu'on se figure le bel effet. Du reste, tout cela se mêlait chez lui à de grandes prétentions d'élégance, de toilette et de belle mine. Qu'on arrange ces choses comme on pourra, je ne suis qu'historien. Il se tenait donc depuis quelques moments pensant ou ne pensant pas, appuyé en silence au chambranle sculpté de la cheminée, quand Fleur de Lys, se tournant soudain, lui adressa la parole. Après tout, la pauvre jeune fille ne le boudait qu'à son cœur défendant. « Beau cousin, ne nous avez-vous pas parlé d'une petite bohémienne que vous avez sauvée il y a 2 mois en faisant le contre-guet la nuit des mains d'une douzaine de voleurs ?»« Je crois bien que oui, belle cousine, » dit le capitaine. « Eh bien, » reprit-elle, « c'est peut-être cette bohémienne qui danse là dans le parvis. Venez voir si vous la reconnaissez, beau cousin Phébus. » Il perçait un secret désir de réconciliation dans cette douce invitation qu'elle lui adressait de venir près d'elle et dans ce soin de l'appeler par son nom. Le capitaine Phébus de Châteaupers, car c'est lui que le lecteur a sous les yeux depuis le commencement de ce chapitre, s'approcha à pas lents du balcon. « Tenez, » lui dit Fleur de Lys en posant tendrement sa main sur le bras de Phébus. « Regardez cette petite qui danse là dans ce rond. Est-ce votre bohémienne ?» Phébus regarda et dit « Oui, je la reconnais à sa chèvre. » « Oh, la jolie petite chèvre, en effet !» dit Amelotte en joignant les mains d'admiration. « Est-ce que ses cornes sont en or de vrai ?» demanda Bérengère. Sans bouger de son fauteuil, Dame Aloïse prit la parole. « N'est-ce pas une de ces bohémiennes qui sont arrivées l'an passé par la porte Gibard ?»« Madame ma mère, » dit doucement Fleur de Lys, « cette porte s'appelle aujourd'hui Porte d'Enfer. » Mademoiselle Gondelaurier savait à quel point le capitaine était choqué des façons de parler surannées de sa mère. En effet, il commençait à ricaner en disant entre ses dents « Porte Gibard, Porte Gibard, c'est pour faire passer le roi Charles VI !»« Ma reine !» s'écria Bérengère, dont les yeux sans cesse en mouvement s'étaient levés tout à coup vers le sommet des tours de Notre-Dame. « Qu'est-ce que c'est que cet homme noir qui est là-haut ?» Toutes les jeunes filles levèrent les yeux. Un homme, en effet, était accoudé sur la balustrade culminante de la tour septentrionale, donnant sur la grève. C'était un prêtre. On distinguait nettement son costume et son visage appuyés sur ses 2 mains. Du reste, il ne bougeait non plus qu'une statue. Son œil fixe plongeait dans la place. C'était quelque chose de l'immobilité d'un Milan qui vient de découvrir un nid de moineaux et le regarde. « C'est monsieur l'archidiacre de Josas, » dit Fleur de Lys. « Vous avez de bons yeux si vous le reconnaissez d'ici, » observa la Gaille Fontaine. « Comme il regarde la petite danseuse, » reprit Diane de Christeuil. « Gare à l'égyptienne, » dit Fleur de Lys, « car il n'aime pas l'Égypte. » « C'est bien dommage que cet homme la regarde ainsi, » ajouta Amelotte de Montmichel, « car elle danse à éblouir. »« Beau cousin Phébus, » dit tout à coup Fleur de Lys. « Puisque vous connaissez cette petite bohémienne, faites-lui donc signe de monter, cela nous amusera. »« Oh oui !» s'écrièrent toutes les jeunes filles en battant des mains. « Mais c'est une folie !» répondit Phébus. « Elle m'a sans doute oublié, et je ne sais seulement pas son nom. Cependant, puisque vous le souhaitez, mesdamoiselles, je vais essayer. » Et se penchant à la balustrade du balcon, il se mit à crier « Petite !» La danseuse ne tambourinait pas en ce moment. Elle tourna la tête vers le point d'où venait cet appel. Son regard brillant se fixa sur Phébus et elle s'arrêta tout court. « Petite !» répéta le capitaine. Et il lui fit signe du doigt de venir. La jeune fille le regarda encore, puis elle rougit comme si une flamme lui était tombée dans les joues. Et prenant son tambourin sous son bras, elle se dirigea à travers les spectateurs ébahis vers la porte de la maison où Phébus l'appelait, à pas lents, chancelante, et avec le regard troublé d'un oiseau qui cède à la fascination d'un serpent. Un moment après, la portière de tapisserie se souleva et la bohémienne parut sur le seuil de la chambre, rouge, interdite, essoufflée, ses grands yeux baissés et n'osant faire un pas de plus. Bérengère battit des mains. Cependant, la danseuse restait immobile sur le seuil de la porte. Son apparition avait produit sur ce groupe de jeunes filles un effet singulier. Il est certain qu'un vague et indistinct désir de plaire au bel officier les animait toutes à la fois, que le splendide uniforme était sur le point de mire de toute leur coquetterie, et que depuis qu'il était présent, il y avait entre elles une certaine rivalité secrète, sourde, qu'elle s'avouait à peine à elle-même, et qui n'en éclatait pas moins à chaque instant dans leurs gestes et leurs propos. Néanmoins, comme elles étaient toutes à peu près dans la même mesure de beauté, elles luttaient à armes égales, et chacune pouvait espérer la victoire. L'arrivée de la bohémienne rompit brusquement cet équilibre. Elle était d'une beauté si rare qu'au moment où elle parut à l'entrée de l'appartement, il sembla qu'elle y répandait une sorte de lumière qui lui était propre. Dans cette chambre resserrée, sous ce sombre encadrement de tentures et de boiseries, elle était incomparablement plus belle et plus rayonnante que dans la place publique. C'était comme un flambeau qu'on venait d'apporter du grand jour dans l'ombre. Les nobles damoiselles en furent malgré elles éblouies. Chacune se sentit en quelque sorte blessée dans sa beauté. Aussi, leur front de bataille, qu'on nous passe l'expression, changea-t-il sur le champ sans qu'elles se disent un seul mot. Mais elles s'entendaient à merveille. Les instincts de femmes se comprennent et se répondent plus vite que les intelligences d'hommes. Il venait de leur arriver une ennemie. Toutes le sentaient, toutes se ralliaient. Il suffit d'une goutte de vin pour rougir un verre d'eau, pour teindre d'une certaine humeur toute une assemblée de jeunes femmes, il suffit de la survenue d'une femme plus jolie, surtout lorsqu'il n'y a qu'un homme. Aussi l'accueil fait à la bohémienne fut-il merveilleusement glacial. Elles la considérèrent du haut en bas, puis s'entre-regardèrent, et tout fut dit. Elles s'étaient comprises. Cependant, la jeune fille attendait qu'on lui parlât, tellement émue qu'elle n'osait lever les paupières. Le capitaine rompit le silence le premier. « Sur ma parole, dit-il avec un ton d'intrépide fatuité, voilà une charmante créature. Qu'en pensez-vous, belle cousine ?» Cette observation, qu'un admirateur plus délicat eût dû au moins faire à voix basse, n'était pas de nature à dissiper les jalousies féminines qui se tenaient en observation devant la bohémienne. Fleur de Lys répondit au capitaine avec une doucereuse affectation de dédain « Pas mal !» Les autres chuchotaient. Enfin, Madame Aloïse, qui n'était pas la moins jalouse, parce qu'elle l'était pour sa fille, adressa la parole à la danseuse. « Approchez, petite !»« Approchez, petite !» répéta avec une dignité comique Bérangère qui lui fut venue à la hanche. L'égyptienne s'avança vers la noble dame. « Belle enfant !» dit Phébus avec emphase, en faisant de son côté quelques pas vers elle. « Je ne sais si j'ai le suprême bonheur d'être reconnue de vous. » Elle l'interrompit en levant sur lui un sourire et un regard plein d'une douceur infinie. « Oh oui » dit-elle. « Elle a bonne mémoire, » observa Fleur de Lys. « Or ça !» reprit Phébus. « Vous vous êtes bien prestement échappé l'autre soir. Est-ce que je vous fais peur ?»« Oh non !» dit la bohémienne. Il y avait dans l'accent dont cet « oh non » fut prononcé, à la suite de ce « oh oui », quelque chose d'ineffable dont Fleur de Lys fut blessée. « Vous m'avez laissé en votre lieu, ma belle, » poursuivit le capitaine dont la langue se déliait en parlant à une fille des rues, « un assez rechigné drôle, borgne et bossu, le sonneur de cloche de l'évêque, à ce que je crois. On m'a dit qu'il était bâtard d'un archidiacre et diable de naissance. Il a un plaisant nom, il s'appelle Quatre-Temps, Pâque-Fleury, Mardi-Gras, je ne sais plus, un nom de fête carillonnée, enfin. Il se permettait donc de vous enlever comme si vous étiez faite pour les bedeaux. Cela est fort. Que diable voulait-il donc, ce chat-huant, hein? Dites. Je ne sais, répondit-elle. Conçoit-on l'insolence, un sonneur de cloche enlever une fille comme un vicomte? Un manant braconné sur le gibier des gentilshommes. Voilà qui est rare. Au demeurant, il l'a payé cher. Maître Pierrat Torterue est le plus rude palefrenier qui ait jamais étrié un maraud. Et je vous dirai, si cela peut vous être agréable, que le cuir de votre sonneur lui a galamment passé par les mains. Pauvre homme, dit la bohémienne chez qui ces paroles ravivaient le souvenir de la scène du pilori. Le capitaine éclata de rire. « Corne de bœuf, voilà de la pitié aussi bien placée qu'une plume au cul d'un porc. Je veux être ventru comme un pape, si !» Il s'arrêta tout court. « Pardon, mesdames, je crois que j'allais lâcher quelques sottises. »« Fi, monsieur !» dit la Gaillefontaine. « Il parle sa langue à cette créature !» ajouta à demi-voix Fleur de Lys, dont le dépit croissait de moment en moment. Ce dépit ne diminua point quand elle vit le capitaine, enchanté de la bohémienne, et surtout de lui-même, pirouetter sur le talon en répétant avec une grosse galanterie naïve et soldatesque « Une belle fille sur mon âme !»« Assez sauvagement vêtue, » dit Diane de Christeuil avec son rire de belles dents. Cette réflexion fut un trait de lumière pour les autres. Elle leur fit voir le côté attaquable de l'égyptienne. Ne pouvant mordre sur sa beauté, elles se jetèrent sur son costume. « Mais cela est vrai, petite, » dit la Montmichel. « Où as-tu pris de courir ainsi par les rues sans guimbe ni gorgerette ?»« Voilà une jupe courte à faire trembler, » ajouta la Gaillefontaine. « Ma chère, » poursuivit assez aigrement Fleur de Lys, « vous vous ferez ramasser par les sergents de la douzaine pour votre ceinture dorée. »« Petite, petite !» reprit la Christeuil avec un sourire implacable. « Si tu mettais honnêtement un manche sur ton bras, il serait moins brûlé par le soleil. » C'était vraiment un spectacle digne d'un spectateur plus intelligent que Phébus, de voir comme ces belles filles avec leurs langues envenimées et irritées serpentaient, glissaient et se tordaient autour de la danseuse des rues. Elles étaient cruelles et gracieuses. Elles fouillaient, elles furetaient malignement de la parole dans sa pauvre et folle toilette de paillettes et d'oripeaux. C'étaient des rires, des ironies, des humiliations sans fin. Les sarcasmes pleuvaient sur l'égyptienne, et la bienveillance hautaine, et les regards méchants. On eût cru voir de ces jeunes dames romaines qui s'amusaient à enfoncer des épingles d'or dans le sein d'une belle esclave. On eût dit d'élégantes levrettes chasseresses tournant, les narines ouvertes, les yeux ardents, autour d'une pauvre biche des bois que le regard du maître leur interdit de dévorer. Qu'était-ce après tout devant ces filles de grande maison qu'une misérable danseuse de place publique? Elle ne semblait tenir aucun compte de sa présence et parlait d'elle, devant elle, à elle-même, à haute voix, comme de quelque chose d'assez malpropre, d'assez abject et d'assez joli. La bohémienne n'était pas insensible à ces piqûres d'épingles. De temps en temps, une pourpre de honte, un éclair de colère, enflammait ses yeux ou ses joues. Une parole dédaigneuse semblait hésiter sur ses lèvres. Elle faisait avec mépris cette petite grimace que le lecteur lui connaît. Mais elle se taisait. Immobile, elle attachait sur Phébus un regard résigné, triste et doux. Il y avait aussi du bonheur et de la tendresse dans ce regard. On eût dit qu'elle se contenait de peur d'être chassée. Phébus, lui, riait et prenait le parti de la bohémienne avec un mélange d'impertinence et de pitié. « Laissez-les dire, petite, » répétait-il en faisant sonner ses éperons d'or. « Sans doute votre toilette est un peu extravagante et farouche, mais charmante fille comme vous êtes, qu'est-ce que cela fait ?»« Mon Dieu !» s'écria la bonde Gaillefontaine en redressant son cou de cygne avec un sourire amer. « Je vois que messieurs les archers de l'ordonnance du roi prennent aisément feu aux beaux yeux égyptiens. »« Pourquoi non ?» dit Phébus. À cette réponse nonchalamment jetée par le capitaine, comme une pierre perdue qu'on ne regarde même pas tomber, Colombe se prit à rire, et Diane, et Amelotte, et Fleur de Lys, à qui il vint en même temps une larme dans les yeux. La bohémienne qui avait baissé à terre son regard aux paroles de Colombe de Gaillefontaine le releva rayonnant de joie et de fierté et le fixa de nouveau sur Phébus. Elle était bien belle en ce moment. La vieille dame qui observait cette scène se sentait offensée et ne comprenait pas. « Sainte Vierge » cria-t-elle tout à coup. « Qu'ai-je donc là qui me remue dans les jambes ? Ah ! La vilaine bête !» C'était la chèvre qui venait d'arriver à la recherche de sa maîtresse et qui, en se précipitant vers elle, avait commencé par embarrasser ses cornes dans le monceau d'étoffe que les vêtements de la noble dame entassaient sur ses pieds quand elle était assise. Ce fut une diversion. La bohémienne, sans dire une parole, la dégagea. « Oh, voilà la petite chevrette qui a des pattes d'or !» s'écria Bérengère en sautant de joie. La bohémienne s'accroupit à genoux et appuya contre sa joue la tête caressante de la chèvre. On eût dit qu'elle lui demandait pardon de l'avoir quittée ainsi. Cependant, Diane s'était penchée à l'oreille de Colombe. « Eh mon Dieu, comment n'y ai-je pas songé plus tôt? C'est la bohémienne à la chèvre. On l'a dit sorcière, et que sa chèvre fait des momeries très miraculeuses. « Eh bien, dit Colombe, il faut que la chèvre nous divertisse à son tour et nous fasse un miracle. » Diane et Colombe s'adressèrent vivement à l'égyptienne. « Petite, fais donc faire un miracle à ta chèvre. »« Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » répondit la danseuse. « Un miracle, une magie, une sorcellerie, enfin. »« Je ne sais. » Et elle se remit à caresser la jolie bête en répétant « Djali, Djali. » En ce moment, Fleur de Lys remarqua un sachet de cuir brodé suspendu au cou de la chèvre. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-elle à l'égyptienne. L'égyptienne leva ses grands yeux vers elle et lui répondit gravement « C'est mon secret. »« Je voudrais bien savoir ce que c'est ton secret, » pensa Fleur de Lys. Cependant, la bonne dame s'était levée avec humeur. « Or ça, la bohémienne, si toi ni ta chèvre n'avez rien à nous danser, que faites-vous, séant ?» La bohémienne, sans répondre, se dirigea lentement vers la porte. Mais plus elle en approchait, plus son pas se ralentissait. Un invincible aimant semblait la retenir. Tout à coup, elle tourna ses yeux humides de larmes sur Phébus et s'arrêta. « Vrai Dieu ! » s'écria le capitaine. « On ne s'en va pas ainsi. Revenez, dansez-nous quelque chose. À propos, belle d'amour, comment vous appelez-vous ? » « La Esmeralda, » dit la danseuse, sans le quitter du regard. À ce moment étrange, un fou rire éclata parmi les jeunes filles. « Voilà, » dit Diane, « un terrible nom pour une demoiselle. Vous voyez bien, » reprit Amelotte, « que c'est une charmeresse. » « Ma chère, » s'écria solennellement Dame Aloïse, « vos parents ne vous ont pas pêché ce nom-là dans le bénitier du baptême. » Cependant, depuis quelques minutes, sans qu'on fît attention à elle, Bérengère avait attiré la chèvre dans un coin de la chambre avec un massepain. En un instant, elles avaient été toutes deux bonnes amies. La curieuse enfant avait détaché le sachet suspendu au cou de la chèvre, l'avait ouvert et avait vidé sur la natte ce qu'il contenait. C'était un petit alphabet dont chaque lettre était inscrite séparément sur une petite tablette de buis. À peine ses joujoux furent-ils étalés sur la natte, que l'enfant vit avec surprise la chèvre dont c'était là sans doute un des miracles, tirer certaines lettres avec sa patte d'or et les disposer en les poussant doucement dans un ordre particulier. Au bout d'un instant, cela fit un mot que la chèvre semblait exercée à écrire, tant elle hésita peu à le former. Et Bérengère s'écria tout à coup, en joignant les mains avec admiration, « Ma reine Fleur de Lys, voyez donc ce que la chèvre vient de faire !» Fleur de Lys accourut et tressaillit. Les lettres disposées sur le plancher formaient ce mot « Phébus ». « C'est la chèvre qui a écrit cela ? » demanda-t-elle d'une voix altérée. « Oui, ma reine, » répondit Bérengère. Il était impossible d'en douter. L'enfant ne savait pas écrire. « Voilà le secret, » pensa Fleur de Lys. Cependant, au cri de l'enfant, tout le monde était accouru, et la mère, et les jeunes filles, et la bohémienne, et l'officier. La bohémienne vit la sottise que venait de faire la chèvre. Elle devint rouge, puis pâle, et se mit à trembler comme une coupable devant le capitaine, qui la regardait avec un sourire de satisfaction et d'étonnement. « Phébus !» chuchotaient les jeunes filles stupéfaites. « C'est le nom du capitaine !»« Vous avez une merveilleuse mémoire !» dit Fleur de Lys à la bohémienne pétrifiée. Puis, éclatant en sanglots, « Oh !» balbutia-t-elle douloureusement en se cachant le visage de ses deux belles mains. « C'est une magicienne !» Et elle entendait une voix plus amère encore lui dire au fond du cœur, C'est une rivale. Elle tomba, évanouie. « ma fille !» cria la mère effrayée. « Va-t'en, bohémienne de l'enfer !» La Esmeralda ramassa en un clin d'œil les malencontreuses lettres, fit signe à Djali et sortit par une porte tandis qu'on emportait Fleur de Lys par l'autre. Le capitaine Phébus, resté seul, hésita un moment entre les deux portes. Puis, il suivit la bohémienne.